J'ai rapporté un souvenir de thé d'une journée du mois de juillet. Sur la plage, je t'ai vu avec un ciel sans nuages au-dessus. Mais la même journée, tu m'as quitté. J'avais que les vagues pour m'accompagner. Et tout ce que je faisais me faisait penser à ton regard. La la la la la, l'amour, l'amour. La la la la la, l'amour. La la la la la, l'amour, l'amour. C'est un jour, mais pas toujours. J'ai rapporté ton sourire avec moi. Tu n'es pas là et je n'arrive pas à continuer et apprécier encore le temps qui va. Pour tous les deux, c'était un coup de foudre, mais les problèmes on ne pouvait pas résoudre. J'essayais seulement de trouver comment rêver dans tes bras. L'amour, la la la la la, l'amour, la la la la.